Voici votre bulletin régional. Deuxième clinique Impo, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, à Istengis, le 9 mars, de 13 à 16 heures et de 18h30 à 20 heures, à la Maison des jeunes Actimage, ancienne Légion canadienne, 268 Saint-Jean-Ouest. Deuxième clinique Impo, également à Whedon, le 9 mars, de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures, au Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, 209 des Érables, local 314. Ainsi qu'à Sayoville le même jour, de 13 à 16 heures et de 18 à 20 heures, à la salle communautaire de Sayoville, 6 Richurch. Souper de fèves au lard et jambon le 10 mars à 17h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Istengis.